Oui, mais non, vous voyez, c'est la fin. C'est la France qui joue ce soir. Les Belges au tapis. Et voilà, le nationalisme. C'est Laetitia Gaillet. Et non pas encore une pub à la con, comme vous venez de dire, Guillaume. Non, dit, oh, là, attention, attention, mais non, il y a une pub à la con encore. Non, non, c'est Gaillet qui retourne. Ah, ouais, ça y est, c'est Gaillet, les pubs à la con, c'est pour, c'est à 18h, juste avant 18h. Voilà. Bon, bah, je vous laisse entre vous. Oh, hein. Bien vivre. Merci, Laetitia Gaillet. Je vous en prie. Allez, ce matin, nous, on a choisi. Nous avons choisi ce matin un sujet sur la consommation d'alcool. Donc, ça nous a donné l'idée de tester un nouveau concept d'émission pour l'année prochaine. Donc, voilà comment s'annoncent les prochaines conférences de rédaction, si toutefois c'est validé par la direction. Salut les amis. Salut Charlie. Je voudrais qu'on fasse une belle émission. Très bien. Je voudrais qu'on choisisse trois bonnes bouteilles. Oui, moi, je propose une bouteille de bière. Ah, ouais, c'est pour nous mettre la pression. C'est ça. Bon, mais c'est une bonne idée la bière. Hein. Mais laquelle? Une bière belge. Ah bah il y a pas d'autre bière. C'est... Bah oui, c'est vrai. Alors très bien. Ok. Oui, c'est alors il nous faut encore deux bouteilles. Ah, une bouteille en lien avec l'invité. Oui. Une bouteille de vin. Ah oui, tout le monde a un avis sur. Évidemment, évidemment. Mais là, vous savez que je suis très exigeante sur le sujet. Pas de piquet. Non, pas de cubine. Et puis c'est parce qu'on choisit des bouteilles que je vais être laxiste. J'ai un Romanée Conti. Ah oui, ça je prends. Vous le préparez bien. Bien sûr. On l'aère, on garage. Non, ça. Bon. Alors, retombe troisième bouteille. Troisième bouteille, souvent, c'est en fin d'émission, la bac. Oui, un truc rapide, peut-être. Vodka. Non, c'est russe. Non. La Russie, ça pourrait lui donner envie de parler de Poutine. Surtout pas parler d'actu, c'est pas le nouveau concept, je vous rappelle. Oui, oui, un cognac. Bon, on a trois bouteilles, super. On peut se détendre. Est-ce qu'on peut lire la presse maintenant? Ouais, si vous voulez, mais prenez une pause quand même. Voilà. Ceci est un message à caractère informatif. Ce matin, nous avions décidé d'inverser la logique de l'émission. Puis nous en avons parlé à la direction. Il nous reste un sujet en lien avec l'alcool et les bouteilles ont été confisquées. La direction ne voulant pas prendre le risque que l'émission soit meilleure dans cette nouvelle formule. Une émission à consommer avec modération. Il n'y a pas que l'émission. Bonjour la France Inter, bonjour la France du Café des Sports, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui sniffe l'actualité. Et voici les trois infos où on a planqué la chenouf jusqu'à 18h. N'essayez pas de vous en prendre aux labos pharmaceutiques. Même la société d'affichage du métro protège leurs intérêts. La campagne de Médecins du Monde en a fait les frais. Les messages neutres sont recommandés. Dans les laboratoires Jean-François Manhattan, nos chercheurs mettent au point les produits qui, un jour, seront votre quotidien. Encore une pub à la con. Si les élèves étudiaient plutôt la philo, le bac tiendrait sans doute moins du psychodrame, pour les parents aussi d'ailleurs. Moi la philo, je le dis pas devant les enfants, mais ça m'emmerde. Si on picole trop, c'est de la faute de l'État qui serait trop tolérant. C'est ce que dit la Cour des comptes, qui a l'air aussi détendue que le CSA sur la question. Comme le disait si bien Serge Gainsbourg, pour arrêter de boire, c'est facile, suffit de mourir. J'avais coté celui qui défie les lois de la gravité en matière de chute dans les sketchs. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charline, et aujourd'hui, évidemment, équipe de France oblige, belle équipe autour de la table. 17h20, les femmes l'aiment parce qu'il est beau, puis se retrouvent très déstabilisées par ses connaissances musicales. Les hommes l'aiment pour ses connaissances musicales, puis se retrouvent très déstabilisés parce qu'il est beau. Bonjour André Manoukian. Alex, quand je serai mort, c'est vous qui ferez mon... C'est mon rêve, vous êtes mon idole. De quoi on parle? Le speech. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour tous les autres. Aujourd'hui, on va parler de... Avec un petit peu de retard, je me baladais hier sur les quais de la Seine. Je voyais que le fleuve avait baissé. Et je me suis dit, finalement, quel est le regard des musiciens sur l'eau? D'accord. L'État est un peu trop tolérant. 17h30, du haut de ses 35 ans, il est devenu la référence pour toute une jeunesse gaucho, végétariano, hétéro, mauvaise foito, grisonnante. Heureusement, dans cette frange de la population, il n'y a que lui. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi je vais vous parler du bac qui débute aujourd'hui, évidemment. Je suis allé voir des anciens élèves. J'avais 16 ans, j'avais un père qui derrière s'occupait de moi et n'hésitait pas à me donner des fessées quand ça marchait pas. Voilà, la fessée à 16 ans, c'est la solution pour le bac. Et 17h40, elle était à la base du nouveau concept d'émission proposé dans la conf de rédac, mais malgré le refus, on la garde quand même. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour, eh bien aujourd'hui Alex, la parole est à la Défense. Vive le bistrot. Très bien. Ah. Si tu écoutes, j'annule tout et présent dans un monde virtuel. Et vu qui est notre invité aujourd'hui, c'est important. Voilà, sur Twitter, hashtag annule tout. Et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Le référent de la République, qui a donc accepté de présider cette émission, est né sous Mitterrand. Vous postez, une photo jeune, vous postez votre premier billet de blog en 2008 quand PPDA présente son dernier 20h. Vous proposez un programme web pour France 4 appelé Dans ton flux depuis 2014. C'est l'année où Valérie dit merci pour ce moment et là c'est Hollande qui l'a dans le flux. Vous publiez le journal intime de Dieu en 2015 quand sort The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes. Pourquoi il faut que ce soit moi qui le dise? Claire fait grrr. Ouais. Et alors tous les animateurs radio me font le même coup, c'est-à-dire que personne ne veut essayer de prononcer ce grrr. Ah, nous, si. Oh oui. Oh. C'est Claire fait grrr. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et la première question est posée par l'intermédiaire d'Elsa Boublil pendant le passage d'antenne. Pourquoi, Claire, faites-vous grrr? Oui, c'est une bonne question. Et on vous l'avait jamais posée. Et on me, effectivement, on me la pose jamais. en vérité, je sais pas du tout, mais comme vous le disiez, j'ai choisi ce nom en 2008. 2008, ça commence un petit peu à remonter, je sais plus, c'est flou. C'est comme un tatouage, on ne peut pas l'effacer. C'est un peu, c'est-à-dire qu'en 2008, quand même, le numéro un des charts, c'était Par la main. Donc on était quand même sur une époque. Hein, c'était... On revient de loin quand même. Mais pour les, voilà, les rééditions de la Pléiade, ça va être bizarre, à côté de Châteaubriand. Ouais. Café gros. Ouais. Je sais pas ce qui m'a effugé. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vous invite par exemple à aller voir via votre fil Twitter, par exemple, ce que vous faites, @claire avec un K. Tout à fait. Ou alors sur Facebook ou sur votre blog, bien sûr. Si vous tapez Claire fait gros, vous allez vite retomber sur. Avec combien de R? Oui, qu'il faut préciser le nombre de R. 2 R, techniquement. Ok, cool. Ouais. Sinon, ça fait un gros. Vous êtes c'est à la fois blogueuse, vidéaste, chroniqueuse, donc vous êtes très complète parce qu'il y a aussi du dessin, du Photoshop. Vous alliez le factuel, c'est-à-dire l'information, à l'humour, la pédagogie, qui est très intéressante chez vous, et donc le dessin. Et alors, vous êtes aussi chroniqueuse à Arrêt sur Image. On va prendre un des aspects de votre, de vos multicasquettes. Arrêt sur Image, l'émission sur le web de Daniel Schneiderman. Et toutes les deux semaines, vous scrutez les réseaux sociaux d'une personnalité ou d'une institution. Il y a par exemple Dans l'Internet de Gad Elmaleh, humoriste neutre, sauf quand il ne l'est pas, dites-vous. Ou Dans l'Internet de BFM ou de Navila. Par exemple, si on prend Gad Elmaleh, qu'est-ce que ça donne à peu près le regard de Claire fait grrr sur l'internet de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, ce qui est assez intéressant au final pour avoir un peu plongé dans son truc, c'est que c'est un humoriste pas politisé à la base. En tout cas, on le voit pas comme ça. Sauf qu'il lui arrive de temps en temps de dire un truc plutôt politisé, de prendre plutôt de droite et plutôt de droite, ce qui est plutôt rare pour un humoriste en plus. Mais ça compense avec Guillaume Meurice, par exemple. C'est sûr. Du coup, ça donne une espèce de force à son propos parce qu'on l'écoute comme on écoute oui, enfin comme un mec qu'on pense totalement apolitique et en fait ça l'est pas. Et du coup, je pense que c'est un truc sur lequel se pencher en tout cas. Mmh. Voilà. Et dans l'internet de Claire Fégrin, ça donnerait quoi à peu près? Si vous deviez analyser votre propre sphère entre les vidéos question. Que vous, par exemple, dans ton flux, le web vidéo sur France 4, entre votre blog qui reste quand même le cœur de votre travail finalement, prendre des, par exemple, un fait d'actualité. Ou dernièrement, je suis allée voir dans le monde merveilleux de Valérie Pécresse, mm-hmm. Qui voulait changer qui voulait retirer à une certaine catégorie de gens les plus pauvres, bien sûr, le remboursement du pass Navigo. Ah bah oui. Donc dans l'internet de Claire, ça donne quoi à peu près? C'est l'internet de cette fille qui passe beaucoup trop de temps devant son écran, visiblement, et pas assez dans la vraie vie. Donc sors, ma petite, va prendre le soleil à un moment donné. Quel soleil! Mais c'est un vecteur assez magique parce qu'en lisant un petit peu votre bio, vous étiez quelqu'un qui avait au départ assez peu d'amis, quelqu'un d'un peu timide ou pas hyper sociabilisé. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Et puis vous êtes finalement, internet a été un de vos meilleurs amis et un vecteur extraordinaire. C'est un vecteur aussi du mérite, parce que là, tout le monde est égal, c'est le Far West, et si on travaille bien, eh ben, on se fait connaître. Ouais, moi, je trouve ça effectivement assez génial pour toute une génération qui est effectivement, enfin, tous ces gens qui avaient pas trop d'amis à la récré et à qui d'un coup on a donné l'opportunité, enfin, qui étaient plutôt team Cyrano de Bergerac, quoi. moi, je préfère quand je suis derrière, c'était l'opportunité effectivement d'avoir une vie sociale et puis de prendre confiance dans qui on était. Donc, c'est effectivement une sorte de révolution pour tous ces gens qui étaient plus à l'aise à écrire leur vanne sur un petit bout de papier en cours que à faire le mariole à la récré, quoi. Mmh. Et là, la timidité s'efface et vous pouvez vous exprimer librement en faisant parler tout votre art, à la fois en forme de vidéo, de dessin. Ouais, je suis libre. She's free. C'est Claire qui fait grrr, qui est avec nous jusqu'à 18h. Et puis, il y aura de l'actu, bien sûr. On verra votre regard sur les choses de la vie. On va bosser ça. Ouais. Inter en compagnie de Claire Fégrin. Ouais, blogueuse, chroniqueuse. On peut citer par exemple le Journal intime de Dieu qui est sorti aux éditions Jungle ou Jungle. Jungle. Et sa web-série Dans ton flux. Allez voir Dans ton flux, c'est très très bien. Vous voudriez savoir qui est autour de la table. Ouais. Je vais vous le dire. Il y a Guillaume Meurice et il y a Juliette Arnault. Oh, et sur Twitter, puisque Claire Fégrin est très connectée, il y a Alice Decasse qui dit ma chouchoute Claire dans mon émission préférée. Annule tout. Merci pour ce moment. Voilà, c'est bien les réseaux sociaux aussi des fois. Et l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres avec d'abord une grande première dans l'histoire du journal de presque 17h17. Oui, un homme politique important a annoncé qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle de 2017. Non, on est sous le choc. Sous le choc. Oui, toute la rédaction est sous le choc. Ouais. Aujourd'hui, c'était également l'épreuve de philo au bac. Oui, également appelée la journée de la citation de Paulo Coelho. Oui, pour compenser du bac philo. En suspense, on peut pas le garder plus longtemps. Présidentielle 2017, vas-y, Philippe de Villiers ne sera pas candidat. Oui, voilà qui relance complètement le suspense pour qui sera au deuxième tour. Politique toujours, vous n'êtes donc pas le seul nigo, Alex, vous êtes fait avoir. Oui, bah hier, je l'ai même annoncé sur antenne, hein. je vous avais annoncé la nouvelle que je trouvais formidable, trouvée dans la presse québécoise, le baiser sur la bouche de Trudeau et du chef de l'opposition locale, et c'était un fake. C'est bien local, hein, parce que c'est quand même tout le Canada. La presse locale pour le Québec. Anne Hidalgo aussi s'est fait avoir, elle a retweeté cette info du journal de Mourir. Montréal. Ouais, c'est ça, c'est le graphie local. Mais Anne Hidalgo est habituée des fakes, hein, parce qu'elle a dit qu'on pourrait se baigner dans la Seine en 2024. Et dans la série, nous avons... Oui, Olivier Mazerolles. Alors là, c'est un vrai journaliste, hein, c'est pas de chance. Alors, il s'est pas fait avoir par Trudeau. Il s'est fait avoir par une autre pelle, un photomontage. Alors, écoutez sa question à Stéphane Le Foll. La sécurité à l'intérieur du stade Vélodrome dit qu'elle n'a pas été suffisamment assurée, qu'il y avait des fumigènes, au moins une bombe d'agricole. Et sur les images, on voit même, à un moment donné, un homme brandir une pelle. Une pelle ? Stéphane Le Foll, l'a-t-il vu, cette pelle ? Pelle ? Alors, je sais pas, moi, j'ai pas vu les images dont vous me parlez, avec la pelle en particulier. Mais non plus, on l'a pas vu ! Il s'agissait d'un photomontage du chasseur de pinsons qui donnait des coups de pelle à Alain Bougrain-Dubourg, qu'un internaute avait mis dans les tribunes de Marseille, et notre Olivier s'est fait avoir. On salue nos confrères. On salue nos confrères, bien sûr. Passons à ce fameux bac philo. Donnez-moi les sujets du bac philo. J'avais notamment cette question pour le bac ES. Oui. Savons-nous toujours ce que nous désirons ? Ah, j'ai la copie du petit Denis Baupin. Au bac L, il y avait le désir est-il par nature illimité ? Ah, voilà, du coup, il faut poser la question à Emmanuel Cosse. Et dans les sujets bac S, il y avait enfin cette question, travailler moins, est-ce vivre mieux ? Travailler moins, est-ce vivre mieux ? J'ai la copie de Guillaume Meurice. Il est écrit oui. Culture, fête de la musique à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, la mairie FN exige que... Les artistes s'engagent dans le cadre de leurs prestations artistiques à respecter le principe de neutralité politique. Ah, j'espère que Jean Roucas n'était pas à l'affiche, sinon il faudra le déprogrammer. Écologie à Paris, dans un magasin de luxe du Marais, plus de 500 000 euros de doudounes ont été volés. Ah, les enquêteurs portent leurs soupçons sur Claude Allègre et son scepticisme envers le réchauffement climatique. Sport à présent, dans le livre Les Bleus par les Bleus, on apprend des choses, les lectures des footballeurs, notamment Mathieu Valbuena, qui confie lire régulièrement France Football et c'est tout. Ah, il ajoute très sérieusement, pour être franc, je n'ai même pas lu ma biographie. Pour être franc, nous ne l'avons pas lu non plus. Nous ne l'avons pas lu, Mathieu. Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, confie aimer les grands auteurs tels que Marc Lévy. Ah, un petit peu comme si Marc Lévy confiait aimer les grandes équipes de foot telles que l'équipe de France. Petite brève pour terminer. Et une brève pour terminer, vous prendrez bien un petit café pipe. C'est le titre d'un journal suisse, car à Genève s'ouvre un établissement d'un nouveau genre mêlant café et fellation. Bah, voilà. Ça n'existe pas déjà à Paris, ça ? Non, à Paris, sur les Champs-Élysées, c'est le concept de café solo. Vous prenez un café en terrasse et le serveur vous annonce le prix. Et ça fait faire grrr à Claire qui est avec nous. J'ai observé, elle a rigolé. Parce que moi j'aime bien ce qu'elle fait, j'aurais pas aimé qu'elle rigole pas. Claire fait grrr qu'on peut aussi retrouver sur Arrêt sur Image, le site de Daniel, enfin la télé sur le web de Daniel Schneiderman. Et le site aussi. Bien sûr, puisqu'il y a plein d'articles. Le premier sujet avec vous, Claire, la société d'affichage de la RATP, les transports parisiens, a refusé une campagne de pub de Médecins du Monde, ce qui a produit l'effet contraire finalement. La pub est affichée partout dans la presse pour pas un rond dans les articles. Puisque c'est, c'est pas vraiment une censure, mais presque, hein, quand même, fait l'objet d'un tas d'articles. Médecins du Monde dénonçait la marge bénéficiaire indécente des laboratoires pharmaceutiques. C'était sans compter les lobbies des labos. La santé, un sacré business qui crée des tensions. Alors, messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon, c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord ? Je suis vulgaire, tant mieux. Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez ? Allopathe. Pas homéopathe, allopathe. Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi ? À l'homéopathie. Avant, quand j'étais allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun. Une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé. À 150 francs par personne, vous avez qu'à faire le compte. Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour. Il passe une heure avec chaque client, hein, une heure. 12 personnes au lieu de 65, vous avez qu'à faire le compte. Alors maintenant, c'est décidé. S'il veut la guerre, ce sera la guerre. Mais l'homéopathie, c'est fini. Dehors tout le monde. Michel Larocque dans la crise. On dirait Juliette Arnoux, c'est incroyable. Alors, Claire fait grrr. J'imagine que vous avez vu passer ce sujet la campagne de Médecins du Monde. Hein. Alors, je donne pour nos éditeurs qui seraient passés à côté quelques slogans. Par exemple, bien placé, un cancer peut rapporter jusqu'à 120 000 euros. Tout ça doit inciter à signer la pétition pour faire baisser le prix des médicaments. Seul 1% des Français peut se permettre d'avoir une hépatite C. Ou encore, le mélanome, c'est quoi exactement ? C'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà qui dénonce les marges vraiment gigantesques des labos. Cette campagne de Médecins du Monde, dans l'affichage dans les transports, a été stoppée net. Vous trouvez que cette campagne, elle est injurieuse pour les industriels du Médoc ? Ah bah, je pense que la vraie insulte, c'est certainement celle qui est faite aux patients qui peuvent pas avoir accès aux soins de façon équitable, ça c'est certain. Après, bon, le sujet reste compliqué, mais c'est sûr que si vraiment, en tout cas, les régies publicitaires ont baissé leur froc de peur de froisser les labos pharmaceutiques, c'est pas une très bonne nouvelle. Ouais. Alors, vous êtes de fille de pharmacienne, j'ai lu. C'est vrai. Pendez-la. Est-ce que dans ce milieu de l'industrie pharmaceutique, etc., il y a des choses qui vous ont choqué de votre expérience à votre niveau, je sais pas, des débats familiaux par exemple, des démarcheurs pour les médicaments, ce genre de choses, des souvenirs? Non, enfin ma maman est justement plutôt très vigilante sur ça, et elle est plutôt en fait maintenant dans la formation pour que les pharmaciens fassent bien leur boulot et fassent le mieux possible leur boulot, parce que c'est vrai que les pharmaciens sont de plus en plus décriés et sont de plus en plus perçus comme des vendeurs de médicaments, et c'est parfois assez juste parce qu'ils font pas toujours un boulot de conseil comme ils devraient le faire. Voilà. Influencé par le côté marketing Ouais, par plein de choses. Après, je suis pas une experte, vous inviterez ma maman demain. Et par exemple, quand il pleuvait, est-ce qu'il y avait chez vous quelque chose de joyeux, dire putain, demain ça va sentir la grippe, c'est bon quoi, du Strepsils, on va en écouler quoi. À chaque explosion nucléaire, c'est vraiment la fête, on reprenait deux fois les pâtes. Vous, Claire, c'est le genre de sujet, j'imagine, qui vous fait vous arrêter dessus pour pas vous en emparer, par exemple sur votre blog. Comment vous traitez, vous, par exemple, ce type d'information? Quand il y a une forme d'injustice ou un paradoxe, vous aimez les relever, comment vous traitez l'info? En fait, très souvent, ce qui m'inspire, c'est quand effectivement il y a un paradoxe, il y a un bug, il y a un truc que je trouve pas logique. Mm-hmm. Et là, c'est le cas, par exemple. Alors là, je trouve que le sujet est très compliqué à saisir pour des gens qui sont pas experts sur l'industrie pharmaceutique. Et honnêtement, je me suis renseignée sur le sujet, c'est très compliqué. Il y a aussi plein de gens qui expliquent que l'industrie pharmaceutique aussi investit pas mal de ce pognon-là pour la recherche, certes le coût paraît très disproportionné par rapport au prix de vente et le prix de fabrication. Par rapport à la recherche, etc. et l'investissement. Voilà. Allez, après, le problème, c'est que là, c'est un sujet dont moi, je ne vais pas m'emparer parce que justement, je manque d'armes et de connaissances. Vous avez besoin de dominer le sujet. Ah, mais Guillaume, il s'en fout, lui. Oui. Mais alors, il donne son avis. Moi, c'est pareil, j'adore parler de trucs que je connais à peine et tout. Parce que en parlant, justement, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se met en route. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais on peut en parler, en débattre, en parler avec des copains ou des trucs comme ça. Et en revanche, c'est autre chose de se mettre dans une posture de je vais expliquer aux autres ce qu'il faut en penser, ce qui est parfois une posture que je prends un peu et qui est dangereuse si on ne maîtrise pas un peu les tenants et les aboutissants du sujet, quoi, quand même. Regardez la marge des actionnaires de Sanofi et c'est pas un bon Et vous le faites toujours avec l'humour, Claire. Donc, quand il y a un point de vue qui est donné, c'est jamais donneur de leçons, en tout cas. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir ce que vous faites. Pour clore le sujet, dans le Canard Enchaîné aujourd'hui, on apprend que l'affichage dans les transports est justement assuré par une filiale de Publicis. Et Publicis possède une autre filiale qui est leader de la communication en matière de santé, Publicis Health. Et donc la campagne de l'ONG va... coïncidence incroyable. Mais totale, et voilà, c'est dingue. Ouais. Et justement, autre coïncidence, il y a André Manoukian avec nous aussi, c'est dingue. Je me disais aussi. Hier, je me baladais sur les quais de la Seine et j'ai vu que l'eau descendait. Alors, j'étais presque un peu triste parce que c'est vrai. Puis après, je me suis dit, le pire dans cette affaire d'inondation, le ciel nous est tombé sur la tête, c'est qu'on se sentait tous un peu coupables. Vous ne sentiez pas coupables? Pas vous, Guillaume? Non, absolument pas. Pourquoi? Ah bon? Je sais pas, on se sent responsable dans ces cas-là. On dit qu'est-ce qu'on a encore fait? Pourquoi il nous pleut sur la tête comme ça? Et ce sentiment de culpabilité, en fait, il commence dès le début de l'humanité. Dieu, à peine... à créer les hommes que déjà il est super déçu en fait dans le Mediapart de l'époque. Le jour de l'examen de philo. Ouais. Il nous dit dans Genèse chapitre 6 verset 5, il nous est dit l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il se repentit d'avoir fait l'homme et voilà qu'il veut noyer sa progéniture. Rappelle, il l'a fait. Mais il est gonflé, il l'a fait à son image en plus. Voilà. Et, il est un peu gonflé. Question philosophique, il est pas mal de Guillaume Meurice. Alors il va juste sauver Noé, sa femme, ses gosses et puis des coupes de bestioles. Voilà, c'est ça qu'ils vont. Pourquoi? Pour se retrouver sur le mont Ararat en plein conflit arméno-turc. Voilà, tu parles d'un sauvetage. Alors aujourd'hui, pour ce qui est de la culpabilité, c'est pas mieux. On est en plein air anthropocène. Ça veut dire quoi l'air anthropocène? Ça veut dire que c'est la première fois dans l'histoire de la Terre que l'homme est devenu une force géologique majeure capable de marquer la planète. Nous sommes donc bien responsable de toutes les intempéries, à commencer par lui. Pas assez de changements, encore trop de lenteur, pas assez d'emplois, encore trop de chômage, pas assez de justice sociale, encore trop d'impôts, pas assez d'efficacité dans l'action publique, et donc encore trop d'interrogations. Voilà, encore trop d'interrogations. On sent que toute la pluie est lui tombée sur la tête. Alors quand il y a la crise, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on appelle le chaman qui parle aux esprits de la nature avec son tambour pour les apaiser. Il nous dit quoi le chaman? Il nous dit, souviens-toi que la vie vient de l'eau. Il nous dit que 60% du corps humain d'un homme adulte est constitué d'eau. La vraie calamité, c'est la sécheresse. Et puis l'eau, c'est aussi le symbole de la libido. Les sirènes, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent d'attirer Ulysse pour qu'il se noie dans les flots d'Albido. La mer, c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Jésus qui marche sur l'eau, c'est quoi? C'est pour nous montrer que lui, il contrôlait sa libido. Mais non. Si, vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau, vous? Je suis jamais arrivé. Sa libido. Ouais. Alors, en parlant de libido, celles-ci, elles sont plutôt contentes de ce que leur amène la pluie. It's raining men, il pleut des mecs. Elles sont reconnaissantes, les filles, au moins. La phrase à retenir, God bless Mother Nature, she's a single woman too. Que Dieu bénisse la mère nature, elle est célibataire. C'est vrai qu'on le dit pas assez. Merci les Weather Girls. On continue avec les débordements de la libido. Un qui patrouche dedans, c'est Gene Kelly, bien sûr. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious. Cette scène est devenue à elle seule le symbole de la grandeur du cinéma hollywoodien, des comédies musicales. Elle a même été reprise en 71 dans Orange Mécanique où Malcolm McDowell dégomme une pauvre victime à coups de pied en chantant. En plus trash encore par Sheila and the Bee Devotion. Mais si on regarde bien la scène, qu'est-ce qu'on voit? Que Gene Kelly a les chakras tellement ouverts par la pluie qui simule l'amour avec un réverbère. Je vous jure, il faut regarder le cinéma de Stanley Donen. Lui aussi, question... Avec les yeux d'André Manoukian. Lui aussi, question libido, ça l'inspire, la pluie. Oh. Ah, c'était bon, ça, hein, hein. Ça, c'est une grande merveille. Ça, c'est une grande merveille. Paul Newman, en train de faire une parade amoureuse en vélo, avec Catherine Ross, si on regarde bien la scène aussi, ils ne sont jamais doublés les mecs. Ça veut dire que le nombre de gadins qu'ils ont dû se recevoir, et je pense que les cuisses de Catherine Ross étaient violettes après cette scène-là. Un peu comme vous, Charline, quand j'essaye de vous ramener en Brompton, mais ça ne marche jamais. Bref, oui. Une ville pliable, là. Pour les vrais romantico-dépressifs comme un certain Jean-Marc de Nantes, il y a notre Barbara nationale. Il a plu sur Nantes. Qu'est-ce qu'on a pu emballer là-dessus? Alors, pervers. Alors, des dépressifs, c'est ma spécialité. Il y a plus dépressif que ça, c'est le cercle des amis de Schopenhauer et de Jean-Marc Ayrault qui diffuse Barbara qui chante en allemand sur leur répondeur. Mais ça, c'est terrible. Et enfin, bon, allez, les vrais alchimistes qui transforment la pluie en or. Pluie violette. Pluie violette. C'est beau, Charline, mais non. You're such a shame. J'ai pas les paroles, mais j'y vais quand même. Plus violette, plus violette. Oui, bon, alors voilà. Alors, à noter que c'était un film qui a cartonné aux États-Unis, 70 millions de recettes, et quand il est sorti en France, indifférence générale. Bon, il est un peu kitsch au cinéma. André Manoukian. Qui a oublié, il est mort le soleil de Nicoletta. Il est mort. André Manoukian qui sera avec nous à Annecy. Mais oui, vendredi, nous serons en direct depuis Annecy. C'est presque chez moi. Et puis, il n'y aura pas que nous, il y aura On va déguster de François-Régis Gaudry juste avant nous. Il enregistre à 16h, de 16h à 17h. Et puis, il y aura Pop Fiction d'Ali Rebéi qui enregistre après nous à 18h15. Ce sera le tour de France Inter avec La Poste, mais on est sûr d'arriver. La Poste, entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Venez. Nous sommes en compagnie de Claire Fégrin. Vous êtes toujours avec nous. Je suis toujours là. Vous avez reconnu donc, enfin, vous avez retenu que O égale libido. C'était la chronique d'André Manoukian. Enfin, jusqu'ici, pour moi, O c'était lendemain de cuite. Donc, du coup, on sera mieux là. Et on verra comment on peut résumer la chronique de Guillaume Meurice. Oui, bah, je vais vous parler du baccalauréat aujourd'hui, dont les épreuves débutaient ce matin avec donc la philosophie. Alors il y avait des pièges à éviter pour les élèves. Il y a tellement de philosophes, il fallait faire gaffe à pas tous les mélanger. Si vous avez fait des citations qui ressemblent à gna gna gna gna gna gna gna, connais-toi toi-même pauvre conne, ça passera pas, ça passera pas. Alors nous, on a un spécialiste philosophe dans notre émission, André Manoukian évidemment. Alors lui, philosophe en acte, puisqu'André, je vous le rappelle, tente de répondre à la question: peut-on se dire de gauche tout en faisant le tapin pour une marque de bijoux de luxe? C'est intéressant, André, on attend vos conclusions avec impatience. J'oublie pas Juliette Arnaud, évidemment, qui travaille, alors non pas sur l'allégorie de la caverne, mais sur celle de la taverne, bien évidemment. Platon revisité par Gérard Depardieu. Alors, de toute façon, on le sait, la France est un peuple de philosophes, ça c'est bien connu. J'en ai rencontré plein dans la rue ce matin, écoutez ça. Moi, vous me dites Socrate, je connais, ouais. Alors, Socrate, qu'est-ce qu'il a dit, Socrate? Ah, alors là, vous me prenez un peu au piège, mais... C'est vous qui venez de me le dire. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Socrate, bon... Socrate, il en a tellement dit que... Ah oui, non pas punir pour punir, mais punir pour prévenir. Voilà, alors, pas de bol, c'est pas Socrate, c'est Sénèque. Voilà, mais bon, ça aurait pu être Manuel Valls aussi, c'était pas facile. Mais c'est lui qui a voulu faire le malin tout seul, D'ailleurs, il a continué. Vous en voulez d'autres, pas de Socrate, mais... Moi, j'en veux bien d'autres, ouais. Ouais. Le succès fut toujours un enfant de l'audace. Ouais. C'est de qui? Ça, c'est de... Il y a le père, il y a le fils, et là, ça m'échappe. Alexandre Dumas. Bon Dieu. Johnny Hallyday. Alexandre Dumas. Non, loupé aussi. Il s'agit de Prosper Crébillon, figurez-vous. Il a un fils qui faisait aussi de la philo. Alors bon, il n'était pas au programme du bac cette année. Cette année, on l'a dit tout à l'heure, une des questions posées était « Travailler moins, est-ce vivre mieux ?» Une question inspirée par la philosophe Martine Aubry, la Hannah Arendt des 35 heures. Tentative de réponse. Travailler moins, oui, bon, c'est vivre mieux aussi, puisque bon, on a le temps de faire de ses petits hobbies, s'occuper de sa famille. On fait ses petits hobbies. Oui, ses petits hobbies, voilà. Ouais, ses petits hobbies, voilà. Ça peut être cuisiner des haricots, par exemple, ou observer des hiboux, voilà, par exemple, tout ce qui est hobbies, quoi, voilà. C'est pas facile de s'y retrouver avec toutes ces réformes de la liaison en français. Alors, je dis c'est pas facile, mais alors tous les gens que j'ai interrogés ce matin sont unanimes sur une chose. Aujourd'hui, on donne vraiment le bac à tout le monde. Le niveau est archiba, n'est-ce pas ma petite dame? Ah moi je suis un petit peu déçue par le bac, parce qu'on a l'impression que maintenant on leur donne le bac. Quand je vois le niveau des étudiants, des enfants en général, c'est triste, lamentable. Vous trouvez que le bac c'est trop facile? Oui, c'est trop facile, voilà, on leur donne. Par exemple, qu'est-ce qu'un logarithme népérien? Un logarithme? Alors là, ça, je sais pas du tout. Ah ça c'est à l'épreuve du bac, par exemple. Ah oui? Oui, c'est pas si facile que ça, finalement. Oui. Ouais. Ouais, voilà. des fois, c'est pas simple, voilà. Même discours chez ce monsieur qui lui aussi me disait que c'était vraiment trop facile, quoi. Ah oui, c'est trop facile. Bon, ça leur sert à rien, après, ils passent. En fac, et ils ont du mal. Si je vous dis le théorème de Pythagore, par exemple, qu'est-ce que c'est? Pythagore, c'est... Alors là, oui, c'est les... Ce sont les angles, Pythagore. Les angles? Oui. Ça doit être du genre A2 égale... C'est... On appelle ça l'hippocampe. L'hippopotamus. Non, l'hippopotamus, ça vous fait de la pub. Non, ça doit être le carré. Pourtant, ça c'est au programme, attention. Ça, oui, c'est au programme. Bah, oui, mais ça c'est simple. C'est simple, vous n'avez pas réussi à répondre. Oui, mais pas trop. Non, pas trop. Ouais, pas trop. trop, pas trop c'était serré. C'était pas loin. Non, c'était pas loin. Alors, c'est son conseil pour le bac. Hein. Oui. Balancez comme ça des mots au pif. Hein, angle, hypo, carré, puis démerdez-vous, hein, le mais correcteur. Mais le prof n'ose pas mettre zéro quand vous faites ça. Non, il se dit, bon, il y a une idée de truc quand même. Bon, alors, heureusement, je suis tombé ce matin sur un vrai matheux. Je m'en suis sorti pas mal puisque j'ai fait Mathsup et l'équivalent de Maths-P. Bon, ben, oui. Ah, bah oui, c'est pas mal, Lyon. Oui, non, mais c'est pas mal. C'était le minimum. Théorème de Pythagore De Pythagore. Oui. Pythagore, c'est donc les trois trucs d'un triangle au carré, ils sont égaux. Oui, voilà, les trois trucs d'un triangle au carré sont égaux. Mathsup, Mathsp, hein, donc voilà, bien sûr. Hein, puis la poussée d'Archimède, c'est tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé, bien sûr. Bon, alors en même temps, tout ça, on s'en fout, puisque je vous le rappelle, il y a une seule chose à savoir, Dieu a tout créé, et puis c'est marre, hein, nous on croit tous à tout ça. Et d'ailleurs, une des questions posées ce matin en philo était, peut-on justifier ses croyances? Alors réponse avec une ancienne élève, quelle est sa croyance sur la vie après la mort? Tout ça, c'est un au-delà qui existe réellement. Et une permanence de l'esprit ou de l'âme, comme on voudra. Mais est-ce qu'on peut le justifier? Ah, alors ça, c'est... Je vous renvoie à Pascal. Pascal Obispo? Notre Pascal français. Oula, ça va, m'engueulez pas comme ça non plus. Hein, moi, je suis la génération qui a eu son bac parce que c'était facile. Hein, puis je suis désolé, je suis tombé pour elle, touloup-toup-toup-toup-toup. Hein, ça vaut bien la critique de la raison pure de Kant ou de Florent Pagny. Enfin, j'en sais rien. Bon, de toute façon, je vais vous dire, moi, je m'en fous vraiment des connaissances. Puisque comme je parlais croyance, une autre dame m'a donné ce matin cette médaille miraculeuse que j'ai ici. Et elle m'a dit que ça pouvait m'aider à me sortir de toutes les situations. Alors, est-ce qu'elle peut aider cette petite médaille, les élèves, à avoir le bac? Non, parce que le Seigneur n'aime pas la tromperie. Ah oui, ça serait tricher. Non, la tricherie, ça mène nulle part. Ah oui, mais si elle peut donner un petit coup de main. Ah non, on réussit rien dans ces cas-là. Non. Il faut demander au Seigneur d'envoyer l'Esprit Saint pour nous aider dans notre travail, puisqu'on nous l'a demandé. Ah bah ça, c'est un peu tricher, après, du coup. Non, c'est pas tricher, l'aide. Ah, une question philosophique intéressante. L'aide extérieure du Seigneur en philo est-elle de la triche? Ça, c'est intéressant. Voilà, il y a d'autres questions intéressantes. Alors, je propose aussi, pour le bac l'année prochaine, si la religion est l'opium du peuple, est-ce qu'on peut dire que pour écrire ses chroniques, André fume de la religion? Voilà, autre question. À vrai dire, moi, je vais vous dire, j'en ai aucune idée. Car comme disait Socrate à Juliette Arnault, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Allons plutôt boire un coup. Merci Guillaume Meurice. Et sur Twitter, AR ton esprit nous dit que Pythagore est au programme de 3e. Ah, voilà. Nous sommes en compagnie de Claire Fégrin, dont on vous encourage à aller voir le blog ou par exemple la websérie Dans ton flux sur le web de France 4. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout est bon. C'est ça. On va aborder le deuxième sujet avec vous. La philo est un enjeu démocratique puisqu'elle développe la réflexion et l'esprit critique. Alors pourquoi ne pas l'apprendre plus tôt, de manière plus approfondie aussi, comme André Manoukian qui en a fait un mode de vie, vraiment un truc au quotidien, écoutez. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens... Oui, donc c'est bon, alors j'ai compris. Édouard Baird dans Astérix et Cléopâtre. Il y a une tribune aujourd'hui dans Libération, signée du président de l'association des professeurs de philo de l'enseignement public, qui s'appelle Nicolas Franck, qui s'intitule « Soyons réalistes, exigeons plus de philo ». Alors Claire Fégrin, si on commençait par étudier la philo plus tôt, est-ce que le bac philo serait vécu moins comme un cauchemar, peut-être? Ouais, peut-être. Ça me fait penser à ce tweet dont j'arrive pas à me rappeler l'auteur, mais qui dit, de toute façon, le monde a commencé à partir en sucette le jour où un télo est devenu une insulte. Et c'est drôle, mais c'est vachement vrai, en fait. Ouais, ouais. C'est vrai qu'apprendre à penser, c'est pas complètement con, en fait. Et donc, en France, on commence à apprendre la philo en terminale, si j'ai bien compris. Donc, ça veut dire que les élèves, on pense qu'ils peuvent réfléchir par eux-mêmes, pas avant la terminale, c'est ça l'idée. Ouais, et puis du coup, on a quand même que 8-9 mois pour se plonger dans ce que c'est que la philo. C'est un peu faible, effectivement. Qui fait du bac philo quelque chose qui fait peur et qui peut dégoûter. Ça vous a dégoûté, vous, moi, ou pas? Moi, j'aimais beaucoup ça, et j'étais pas du tout dégoûtée. Mais du coup, c'est un truc qu'on mystifie vachement, comme un truc impossible, il faut répondre le bon machin, alors que pas du tout. Et effectivement, on en fait quelque chose de très flippant, parce qu'on a cette sensation que c'est un peu du hasard, que du coup, faut... faut tomber dedans, et puis, c'est pas une science qu'il faut exacte, fumer un gros donc... pétard avant pour avoir un machin, alors que pas du tout. Et oui, c'est quasiment de la légende urbaine. Ouais, c'est ça. En plus, on n'apprend pas à penser, on apprend juste des connaissances de philo, des citations ou des auteurs, mais on n'apprend pas vraiment à penser. Et André, rapidement, qu'est-ce qui est chez vous a déclenché cette passion pour la philo? Moi, c'est mon père. Mon père, il me disait toujours quand j'étais petit, pour manger, il fallait me donner, enfin, pour que je mange, il fallait me raconter des histoires. Et lui disait tout le temps, comme disait mon copain Platon, comme disait mon copain Socrate. Ah. Moi, je crois que c'était mes tontons. Et voilà, vous voyez, très très tôt. Et voilà le résultat, c'est super. Dire quand même qu'en Belgique, nous n'avons pas de cours de philo. Et donc, les Français, on vous autorise parfois à avoir un cours avis. De morale, on en a. Oui, de morale laïque. C'est pour ceux qui ne sont pas en cours de religion. Qui est d'une autre philosophie. C'est philo ou religion. Oui, exactement. La philo du bistrot. C'est parti, Sylvie d'Arnaud. Alors, figurez-vous que le plus beau jour de la vie de Guillaume Meurice, c'est celui où il a découvert que la mauvaise foi avait des vertus hallucinogènes. Et puis, ça lui a fait un joli gain d'économie en termes de drogue. Moi, le plus beau jour de ma vie, c'est celui où je m'avance vers vous avec ce livre, c'est-à-dire aujourd'hui, La vie de bistrot, signé Pierre Boisard, et ce, en conservant toute ma dignité, la tête haute. Oui, Alex, en toute dignité, ravalez vos sarcasmes, cessez de pouffer. Pierre Boisard est, je vous signale, docteur en sciences sociales du développement. De fait, c'est un sociologue spécialiste des questions d'emploi, de transformation du travail et de cohésion sociale. La maison d'édition chez PUF, prêche universitaire de France, et pas bois en mieux, maison d'édition. Autant vous dire que son bouquin, c'est pas la Bible des traîne-patins ou un recueil plus ou moins réussi de brefs de comptoir. C'est du sérieux pour m'exprimer de manière présidentielle. Merci, bisous, merci. Pierre Boisard s'intéresse à une espèce censée être en voie de disparition, une espèce que la vie moderne aurait dû exterminer, de la même manière que l'ordinateur a séché le Minitel, le téléphone portable défoncé le tam-tam et Buffalo Bill, les bisons. Sauf que le bistrot tient bon. Alors Pierre Boisard, comme c'est un sociologue, il se pose tout un tas de questions. Par exemple, qu'est-ce que c'est la définition d'un bistrot? Parce que c'est pas un café, c'est pas un restaurant, c'est pas une brasserie. Alors il note que le bistrot, il a son côté populaire et sa taille modeste. Le bistrot, celui du quartier où on habite, c'est celui où on se retrouve sans jamais avoir à leur fixer de rendez-vous les copains du quartier, sans distinction de profession ni de catégorie sociale. C'est celui où les vieilles gens viennent entendre les rumeurs de la vie. Ensuite, il se demande, est-ce que le bistrot, ça serait pas alors clairement un haut lieu du vivre ensemble, un sas de décompression entre la vie publique et la vie privée, c'est-à-dire comment éviter de tuer sa femme et ses enfants en rentrant chez soi. Boum, un petit demi sur le zinc d'un bistrot. Et puis, il se demande on peut faire aussi... les deux, hein. On peut boire plein de demi, rentrer et tuer sa oui, femme. Oui, voilà, c'est pour ça que je m'étais arrêtée à un petit demi. Voilà. Pourquoi c'est mieux d'être auvergnat que Cévenol pour s'installer comme bistrotier, hein? Comment on passe de bougnat à le bougnat avec le charbon et tout ça à être auvergnat, parce que ça continue... C'est une science, hein, je vois. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'il y a une vraie entraide financière informelle, voire secrète, entre les auvergnats. Et puis, on s'interroge aussi sur qui a voulu la mort du bistrot, hein, en dehors de la fast-food. Et ben, c'est l'État, hein, parce qu'on a décrété que les bistrots, c'était un haut lieu d'alcoolisme, alors que c'est la misère qui mène à l'alcoolisme, et pas le bistrot. Pierre Boisard, c'est un futé. Pour éclairer son propos, il s'attache à un cas particulier, celui d'un patron de bistrot en particulier, donc, le Martignac, à Paris, rue de Grenelle. Il retrace son parcours de l'Auvergne à Paris, ses débuts compliqués, une enfance pas facile, et un caractère à l'avenant. Et puis alors, heure par heure, il retrace une journée type au Martignac, qui commence à 5h40. Ah ouais. C'est l'heure à laquelle je me couche, qui finit à 20h30. Le patron cuisine lui-même 3 plats par jour, tous les jours. Il fait les croissants pour les plus matinaux et la pâtisserie. Il fait le service avec sa femme, les courses. Il choisit par exemple de mettre Fashion TV au lieu de BFM, parce qu'il trouve ça plus lénifiant d'avoir des jolies filles que des gens qui rappellent qu'il y a des 450 terroristes qui arrivent de façon de manière imminente en France. Et il retoque les clients qui ne disent pas bonjour, passer un emplacement précis. C'est-à-dire il a mis une petite statuette à 2 mètres de l'entrée du bistrot. Si la personne qui est rentrée n'a pas dit bonjour, il lui dit « je ne vous sers pas ». Je trouve ça gracieux. Et là donc, Pierre Boisard, il s'attache. J'insiste sur le verbe, il s'attache. Parce que c'est le moment précis où le scientifique vire à l'émotionnel. Le moment où le professeur Higgins tombe amoureux d'Elisa Doolittle, la petite fleuriste, son sujet d'étude, son cobaye. Et il se met un petit peu à divaguer. Il se met à dire qu'un bistrot digne de ce nom, c'est quelque chose d'immatériel. Je le cite, l'esprit du lieu, parfois sa thématique. L'atmosphère qui y règne, en un mot, l'air qu'on y respire. La messe est dite, l'esprit du lieu, l'atmosphère. Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Un truc typiquement français, gaulois dans le sens d'Astérix, un lieu de résistance donc, comme une terrasse l'est devenue, une boîte de nuit gay, ou les pages d'un journal. Juliette Arnault, merci. Justement, poursuivons avec ce sujet. Selon la Cour des comptes, les effets nocifs de l'alcool sur la société sont sous-estimés. L'État serait trop laxiste, nous dit Le Monde, daté d'aujourd'hui. C'est ce qu'on se dit aussi quand on entend les conversations à la buvette de l'Assemblée nationale. Des ivrognes, il y en a assez dans le pays sans que tu les fasses venir de Paris. Un ivrogne? Oh ben un peu, oui. Même que le père Bardas qui boit 15 pastis par jour, il n'en venait pas. Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi. Mon espagnol, comme tu dis, est le père Bardas. Les grands ducs et les boissons soif. Les grands ducs? Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps, mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de vous. Eux, ils tutoient les anges. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond. Vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole, l'espagnol? Et pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous. Un singe en hiver. Donc toujours ce sujet. Juliette Arnault, d'ailleurs, la référence du livre, on peut la rappeler sans doute. Bien sûr. La vie de bistrot au puf. C'est scientifique, je dis. Voilà, scientifique aussi, l'étude de la Cour des comptes. Donc, la consommation d'alcool a enregistré une forte baisse depuis 50 ans en France, mais aussi la France, la consommation est 30% supérieure à la moyenne européenne, nous dit donc Le Monde. Alors déjà, Claire fait grrr en matière de prévention. Est-ce que vous trouvez que l'État fait le job? Est-ce que vous vous sentez noyée par la prévention? Je suis en train de me dire qu'on m'a dit, ouais, on fait les sujets en fonction des invités. Vous vous sentez concernée? L'hépatite C. La police, donc pardon, la question c'est... Oui, est-ce que, en matière de prévention, est-ce que vous pensez que l'État fait le job déjà, que vous vous sentez entouré, protégé par cette prévention? Probablement pas assez, effectivement. Je pense qu'il y a un truc culturel en France sur l'alcool qui fait qu'on tolère beaucoup plus d'avoir des pubs. Enfin, là en ce moment, c'est le foot, il y a plein de stations de métro qui sont intégralement aux marques d'alcool, quoi. Et ça passe. Et effectivement, je suis pas sûre que ça devrait, enfin, que ce soit tout à fait normal en termes de santé publique, que ça passe aussi facilement. Ouais. Vous pensez que ça incite un peu quand vous voyez dans le métro ces pubs, ça vous donne soif? Moi, j'ai pas besoin des pubs dans le métro. D'accord, on va s'entendre. Vous vous rappelez, vous, de votre première mise en garde sur les dangers de l'alcool, ou peut-être votre première cuite qui vous a dégoûté, qui vous a dit, faut pas que j'aille trop loin? Non. Ou est-ce que vos parents, votre maman pharmacienne vous a mise en garde, par exemple, là-dessus? Voici la cassette. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on nous a beaucoup plus à l'école parlé les pétards que par l'alcool. Ah. Et d'ailleurs, on voit bien, Pécresse vient de sortir un budget hallucinant sur les tests salivaires contre la consommation de cannabis dans les lycées. Alors visiblement, en revanche, les passes contraception, c'était moins important pour elle, parce que ça, elle l'a enlevé. Eh oui. Mais là, c'est tout cannabis et rien, pas grand-chose contre l'alcool, effectivement, j'ai l'impression. Et comme le rappelait Juliette Arnault dans sa chronique, une des sources de l'alcoolisme, c'est aussi la misère. Si les gens avaient un peu plus d'emploi, quand on bosse, on a un peu moins le temps de picoler. Donc forcément. Sinon, écoutez les chroniques de Juliette, vous verrez les Claire Fégrin, qui est vlogueuse, chroniqueuse, va devenir comédienne dans un instant, n'est-ce pas, Alex? Oui, évidemment, on vous propose le sketch de fin d'émission. Oh la vache. Est-ce que vous êtes au courant de ces soirées Ramène tes potes chez Bruno? Et oui, les jeunes avec Bruno Le Maire qui organisent des soirées Ramène tes potes chez Bruno, et une grande va s'organiser à Paris puisqu'il laisse les clés du QG. Lui, il n'est pas là et les jeunes peuvent inviter leurs amis. C'est vendredi dans 17 villes de France. Alors allez-y, je peux voir, ça va être une fête. Et justement, c'est vous la chef des jeunes avec Bruno Le Maire. Oh, génial. Et évidemment, Charline et Guillaume sont très actifs dans le mouvement et préparent cette belle fête. Oh là là là là là là, j'ai vraiment hâte d'être à cette soirée chez Nono, moi. Tu m'étonnes, ça va être méga cool. Ouais. Vous allez voir la technoparade comparée à la soirée au QG de Bruno Le Maire, c'est une marche funèbre. La marche funèbre? Non, c'est pas le programme de Bruno Le Maire, ça? Non, mais il a un programme, Bruno Le Maire. Bon, écoutez, on n'est pas là pour parler politique, on est là pour faire les déglingos. Ouais, on a bien choisi. Nono, il est tellement plus fun que Fillon. Vous avez des idées pour la fête, jeunes gens? De l'alcool. Avec modération, hein. C'est pas les jeunes avec Borloo. Ça commence bien, dis donc. Chez les jeunes avec Bruno, on sait se tenir quand même. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire si on peut pas boire. Bah, on pourrait prévoir des distractions modernes et décomplexées. Ah oui, ouais, une partouze. Ah oui, non, calmez-vous, décomplexé, ça veut pas dire dépravé. Hein. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire si on peut ni boire ni baiser? Bah, par exemple, on pourrait danser. Ah, c'est une bonne idée ça, on va mettre du gros son. Ah, excellent, un son, mais à l'image de Nono, un son du renouveau. Oh ouais, génial. Ah, super, j'appelle David. David Guetta. Ouais. Non, David, David et Jonathan. Ah, ouais, oui, ça c'est vraiment moderne et décomplexé du coup. Ouais. Ok, donc la musique c'est réglé. Qu'est-ce qu'on fait pour la tenue vestimentaire? Oh bah, un truc un peu sexy là, non? Ouais, je propose le petit pull noué autour des épaules. Oh, arrêtez, ça sexy. Ça va être la méga teuf. Hein. Quoi d'autre? Oh bah, il va falloir filtrer les entrées là. Hein. Attendez, vous croyez que des voyous vont vouloir entrer? Bah, évidemment. Oui, imaginez, des jeunes hordes de Sarkozy, c'est qui arrive comme ça. Quelle horreur. Excusez-moi, c'est vous les jeunes avec Bruno? Oui. Je passais pour vous inviter, vous faites quoi dimanche? Rien, pourquoi? Et on organise une soirée de dingue, ramène tes potes chez Mariton. Claire Fégré, il y a 12 candidats à la primaire à droite. Oui. Et ils ont chacun un mouvement. Vous comptez Manuel Valls ou pas? Et Macron, oui. Attendez, ça fait avec Valls et Macron, ça fait 14. Ça fait du monde. Et Ramayat. Et là, ils ont chacun les jeunes avec. Il y a les jeunes avec Bruno, hein. Ramène ton pote chez Bruno. C'est vendredi. Est-ce qu'il y a les vieux avec Ramayat? Parce que ça pourrait compenser. Ah oui, il y a les jeunes avec Mariton, les jeunes avec Fillon, avec Juppé. Il y en a chez qui vous pourriez aller boire un coup? Oula. C'est gratuit. Éventuellement, je peux. Il y a aussi les jeunes avec Henri de Lesquin, grand ami de Guillaume Meurice. Il y a aussi, je crois qu'ils sont 4. J'y suis tout le temps. C'est vrai, vous avez d'ailleurs fait une chronique sur lui dans Arrêt sur Image, me semble-t-il. Oui, j'ai été un peu fouillé la communication 2.0 du bonhomme. Et ça donne quoi? Ah bah, ça donne des choses très très belles, c'est-à-dire que le mec met par exemple des images, enfin un plan d'Auschwitz avec la typo d'Harry Potter. Il y a une sorte de volonté de mélange comme ça, on fait du jeune avec du bon, vieux alors, sympa. Je renvoie votre chronique sur Arrêt sur Image, et aussi vous chroniquez dans le magazine Néon. Ouais. On peut vous retrouver dans la web-série Dans ton flux, oui. Qu'on vous conseille sur le web et France 4. Le journal intime de Dieu aussi aux éditions Jungle, et puis votre blog, hein, Claire fait grrr, qui était avec nous. Comme toute cette équipe, on remercie Nathalie Romero, oui. Sarah Masson à la préparation, Benjamin Riquet à la réalisation, Éric Morin à la technique, bien sûr. Merci à tous. Et puis on va laisser le mot de la fin à l'épreuve de ce matin. Moi, la philo, je le dis pas devant les enfants, mais ça m'emmerde.